terminer maintenant cette première partie. On commence à s'aller un petit peu plus vers la fête un peu. Mais c'est un peu pourri, ça s'appelle Dream of the Silent Night. C'est ramassé de toutes sortes de pièces de Noël très connues, du carol anglais surtout, alentour de la fameuse pièce Saint-Denis. C'est un motif qui revient souvent à la pièce, mais avec tout le monde qui veut être très bien connu.